fun me ya Monde na posino wa mumamo Na nongi bedom se dina wane we mamumi De wama opoi no wana mana maga o wae Yipa ke di longe di bomba Avec moi. Ensemble, nous prouverons à nos ennemis que c'est Dieu qui a décidé de nous mettre sur le même chemin. Alors, n'écoutez jamais les avis des uns et des autres, car ils nous perdent. Georges et Christiane Doa Collins, écoutez ceci. Jamais de la mort.